statue encore. Rien n'embêtait, pas de remords. On était rappé dans vos décors. Soit encore, soit square. Tu te dévores. Et la statue encore. Rien n'embêtait, pas de remords. On était rappé dans vos décors. Soit encore, soit square. Tu te dévores. De la souche, je suis pas là pour semer la terreur. Plutôt pour être voir comme face au terror. Éveiller les consciences et rassembler les hommes. Fondus dans le décor, les mecs du rap et du hardcore. Les mecs qui dorment dehors, les zones grises et sensibles. Ou les hommes qui roulent sur l'or. N'ont pas leur place si jamais ils passent. T'inquiète, les frères lui font faire du sport. Car c'est à tort qu'ils nous jugent et nous rogent dans la case de jeunes. Bolusa, marginal, asocial, potentiellement dangereux à contrôler. À rabaisser à travers les médias. On te l'a déjà dit, jeunesse lève-toi. On te l'a déjà dit, jeunesse lève-toi. Représente la tube, encore. Rien n'embêtait, pas de remords. On était rappé dans vos décors. Soit encore, soit square, tu te dévores. Et la tube, encore. Rien n'embêtait, pas de remords. On était rappé dans vos décors. Soit encore, soit square, tu te dévores. Un casse-tête pour les vrais barrés. Je voudrais bien faire taire avant qu'ils se barrent. Je connais l'adresse sur le pavé, sur la graisse. Sans maladresse, besoin de laisse. Sans le malaise, les forces de l'ordre sont mal à l'aise. Face à la thèse, qu'on puisse les baiser. Laisse révolutionnaire, bien et bien enragé. Ceux qui mettent la patrie en danger. On présente la minorité libre dans la tranchée. Prête à faire exploser l'État et leur assemblée. Rien à péter de leur idée, leur parti. Pour ceux qui ne veulent pas survivre, dans le temps imparti, on mise sur l'autogestion de nos forces. Savoir vaut de l'or. Mais à ce jour, trop de gens l'ignorent. Sur la barbarie de votre hymne, le drapeau, la devise de votre mère patrie. La soucherie revendique en musique la liberté sans panique. Amour et haine dans la même vie. Représente la tube, encore. Rien n'embêtait, pas de remords. On était rappé dans vos décors. Soit encore, soit square, tu te dévores. Laisse la tube, encore. Rien n'embêtait, pas de remords. On était rappé dans vos décors. Soit encore, soit square, tu te dévores. La pureté, la zig, la brutalité dans les lyrics. Passe le mic et je t'explique gros. Le principe, un son de souche pour les sauces qui sont dosées parce qu'ils apprennent que l'album arrive. Ballon du corps, rock'n'roll dans le décor. Toujours à corps, souviens-toi, tu crois que t'es gore. Alors mec, écoute, écoute, écoute un peu la zig. Il balance ta réponse si t'as pas peur qu'on te nique. J'ouvre le feu, un son dingue qui dévase. À en perdre mes phrases plus fort que le son d'une rave authentique. Dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Plus hardcore qu'une balle dans la tombe de ton pire ennemi. C'est gore quand t'écoutes, c'est gore quand tu goûtes. Mais au final c'est sur ton MP3 qu'on tourne en boucle. Alors on représente la team rapcore. Ouais, et on le fera jusqu'à la mort. Représente la team rapcore. Rien n'embêtait, pas de remords. On était rappé dans vos décors. Soit encore, soit square, tu te dévores. C'est la team rapcore. Rien n'embêtait, pas de remords. On était rappé dans vos décors. Soit encore, soit square, tu te dévores.